17h sur France Inter, les informations, Laetitia Gaillet. 40 000 selon la CGT, 12 à 13 000 selon la préfecture de police. Le grand écart est devenu la loi du genre pour le comptage des manifestants et celle contre la loi travail n'échappe pas à la règle aujourd'hui à Paris. Mais au-delà des chiffres de la participation, il est un fait que nul ne conteste encore aujourd'hui. Le défilé parisien a été émaillé à nouveau de violence. 9 personnes ont été interpellées. Anna Le Serre, vous êtes sur place pour France Inter. La manifestation n'est pas totalement terminée. Oui, l'arrivée du cortège Place de la République, comme le reste de la manifestation, a été émaillée de plusieurs incidents. Jets de projectiles côté manifestants, répliques par des tirs de gaz lacrymogène côté force de l'ordre. C'est monté assez fort en tension. J'ai même pu voir un CRS en feu suite au lancer d'un cocktail Molotov. Les 1200 policiers et gendarmes déployés n'ont pas empêché les débordements. À l'heure où je vous parle, donc, la tension est encore là, mais la situation semble se calmer peu à peu. Anna Le Serre, Place de la République pour France Inter. Il y aurait au moins un manifestant et 5 policiers blessés. Le gouvernement parle de reconnaissance, la direction d'EDF de confiance en la filière française du nucléaire. Mais les syndicats ne veulent rien entendre d'Hinkley Point. La CGT, FO et la CFE-CGC d'EDF ont réaffirmé aujourd'hui leur hostilité au projet de construction de 2 réacteurs EPR au Royaume-Uni. Ils veulent connaître l'ensemble des conditions formulées par Londres, qui hier soir a donc donné son feu vert à ce projet de plus de 20 milliards d'euros. On en reparle tout à l'heure dans le journal de 18h. Le jugement du procès de Jérôme Cahuzac a été mis en délibéré cet après-midi. Rendez-vous donc le 8 décembre prochain. À l'issue de 2 semaines d'audience, le parquet a requis 3 ans de prison ferme contre l'ancien ministre du Budget, 2 contre sa femme qui était aussi poursuivie pour fraude fiscale et blanchiment, et du sursis également contre le banquier et l'intermédiaire qui, eux, étaient soupçonnés d'avoir organisé l'opacité des avoirs des époux Cahuzac. Le procès de la bagarre de Cisco s'est lui ouvert cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Bastia. 5 personnes sont poursuivies pour les violences de la mi-août. 3 frères d'une même famille accusés de vouloir privatiser une plage et 2 villageois de Cisco. Les migrants, Laurent Wauquiez n'en veut pas dans sa région, si l'on en croit le relevé de conclusions paru dans le Figaro cette semaine. Sur les 12 000 migrants à répartir en France, Auvergne-Rhône-Alpes devrait fournir l'effort le plus important, avec près de 1 800 migrants à accueillir. Aujourd'hui, le président Les Républicains de la région a lancé un appel aux maires pour s'y opposer sur le thème « Pas de Calais partout en France ». On écoute Laurent Wauquiez. D'abord, la première chose, c'est que je veux la liste des communes qui sont envisagées. Qu'on ne livre pas les habitants, les maires, parfois de territoires ruraux, seuls, par rapport à la pression du ministère de l'Intérieur. Si des maires le souhaitent, nous serons à leur côté. Si des habitants le souhaitent, nous serons à leur côté pour s'opposer par tous les moyens de la loi, y compris en faisant des contentieux juridiques, pour s'opposer à des décisions qui peuvent être absurdes. On parle de mettre parfois dans des communes qui font 2000 habitants, 200 migrants du jour au lendemain. On parle de les installer dans des lieux qui ne sont pas faits pour. On parle de déstabilisation sur des écoles qui ne sont pas prêtes à les accueillir. Et donc, dans ma région, je ne veux pas que cela se passe. Concrètement, ça veut dire que des maires qui parfois n'ont pas beaucoup de moyens autour d'eux, nous les aiderons à envisager tous les moyens de loi, essayer d'avoir un accompagnement pour faire des recours devant les tribunaux et les aider à s'opposer à la pression du ministre de l'Intérieur. Je ne veux pas que ce soit le pot de terre contre le pot de fer. On ne va pas laisser se multiplier des Calais dans toutes les régions de France. Des propos recueillis par Christophe Vincent. Laurent Wauquiez réclame aujourd'hui au ministère de l'Intérieur une réunion. À noter ce chiffre dévoilé aujourd'hui par l'agence européenne Frontex. 23 000 migrants sont arrivés en Italie le mois dernier, soit 117 900 depuis le début de l'année, un chiffre équivalent à celui de l'an dernier. Une vingtaine de camions ont franchi la frontière turque cet après-midi direction l'est d'Alep, où plus de 250 000 personnes vivent assiégées dans des quartiers rebelles. Ces camions vont pouvoir pour la première fois depuis juillet acheminer l'aide humanitaire de l'ONU. Ils sont actuellement stationnés dans une zone tampon entre la Turquie et la frontière syrienne. L'ONU espère que l'aide arrivera à bon port demain. Hillary Clinton va mieux. La candidate démocrate a pu reprendre le chemin de la campagne présidentielle après l'épisode pneumonie. Donald Trump, lui, va très bien. Il a même une excellente santé. Ce sont les mots de son médecin traitant aujourd'hui qui a détaillé les résultats de l'examen médical du candidat Les Républicains. Une manière dont donc de contrecarrer l'opacité des informations délivrées par l'équipe de campagne d'Hillary Clinton, la candidate démocrate à la Maison-Blanche. 17h et presque 5 minutes sur France Inter, on va à la Bourse de Paris retrouver Jean-Yves Courcial. Jean-Yves Courcial, dites-moi, c'est stable, c'est dans le rouge, c'est comment ? Eh ben alors là, c'est quasi stable parce que la Bourse de Paris a fait preuve de beaucoup de nervosité depuis ce matin. Elle s'est depuis calmée et ne recule que de 0,08% à 4 366 points. Le marché est victime des nombreuses publications macroéconomiques qui ont été décevantes aux États-Unis, mais pas suffisamment pour donner des indices sur l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale. D'ailleurs, à New York, les indices sont mieux orientés. Le Dow Jones gagne 0,51% et le Nasdaq plus 0,94%. Du côté des devises, l'euro s'échange contre un dollar 12,43. Et en ce qui concerne les valeurs, les financières profitent d'achats à bon compte après avoir été particulièrement délaissées au cours des dernières séances. AXA signe même la meilleure performance de l'indice avec un gain de 2,59%. En revanche, le repli des deux géants de la cote pèse sur la tendance. Total recule de 0,57% et Sanofi abandonne 1,32%. Le CAC 40 ne perd plus que 0,06%. Il est à 4 367 points. La Bourse, Jean-Yves Courcial pour France Inter. Du lundi au vendredi matin sur France Inter, à partir de 10h, Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne à la sauce Inter. Ali Rebbi. Demain, dans Grand Bien vous fasse, on se demande s'il est vraiment possible de devenir ami au boulot, si l'amitié est soluble dans le monde du travail. N'hésitez pas à témoigner sur notre adresse grandbienvousfasse@radiofrance.com. Grand Bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter. À demain. À partir de 10h. Disponible aussi à la réécoute et en podcast sur franceinter.fr. Une Yaris hybride ? T'as encore été augmenté ? Bah non, mais pas du tout. Elle coûte que 159 euros par mois. Une hybride à 159 euros par mois ? Bah ouais. Mais je peux en avoir une à ce prix-là ? Jusqu'au 31 octobre, la Toyota Yaris hybride est au prix exceptionnel de 159 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière pour Yaris Hybrid France en location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1990 euros, bonus écologique 750 euros déduits sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voir toyota.fr. Je n'arrête pas de le dire, Charline, je suis tellement contente de vous retrouver. Merci, Laetitia Gaillet. Oh là là, ça me fait tellement plaisir. Oh oui, je vous sens moins nerveuse que la bourse. Parce que j'ai entendu Jean-Yves Courcial dire « Oh, les marchés sont très nerveux aujourd'hui. Ont un petit cœur, les marchés. » Oui, je pense qu'il a un petit cœur, Jean-Yves Courcial. Petit cœur, les marchés ont un petit cœur qui bat, tout ça. Voilà. Bon courage, bonne chance. Merci, Laetitia Gaillet. Et ce matin, nous avons préparé l'émission. Ah, enfin, oui. Moi, je testais un sujet, moi, je vous rappelle. Oui. Allez, écoutez. Salut les amis. Salut Alex. Elle est pas là, Charlie? Non, elle fait une sieste dans le bureau d'à côté. Ah bah une sieste. Ouais. C'est parce qu'on a choisi comme troisième sujet les bienfaits de la sieste. Ah bah voilà. Bah oui, tu connais Charline, hein, tu sais comment elle s'implique dans les sujets. Bah oui, bah j'espère que le sujet 2 c'est pas la masturbation féminine. Non. C'est qui l'invité? C'est Jacqueline Beer. Finalement. Une actrice française. La plus grande comédienne belge. Ah pardon? Bah en Belgique c'est l'équivalent de Daniel Darieux. Ah vous allez nous piquer Daniel Darieux. Vous avez mieux piqué Annie Cordy. Alors voilà. Oui ça va. Merci. Non mais c'est normal. Annie Cordy, elle veut briller, elle est belge, elle vient en France, logique. Jacqueline Beer, elle arrive maintenant. Oui mais ça je comprends qu'elle arrive, mais pourquoi quand on est français, on veut conquérir la Belgique? Je sais pas, tu demanderas à Napoléon, moi. Waterloo, c'est pas une bonne idée. Ouais, hein. Oui, mais toi et Charline, vous vouliez venir en France? Oui, bah on y est. Oui. Pour faire la sieste. Ah, je sais, c'est fiscal. Non, mais... Si, elle y a été pour l'argent, à la Depardieu. Mais non, elle s'est installée en 57. Ah bon? Ah bah alors je sais, elle fait une étude sociologique sur les Belges basée sur l'immersion. Depuis 60 ans, il serait bientôt temps qu'elle nous amène les résultats. Oui, c'est pour ça qu'elle revient en France. Mais non, elle vient pour faire du théâtre, évidemment. Ah bah je comprends plus rien, écoute, voilà, vous m'avez usé aussi, je vais faire une sieste. Ah toi aussi. Ils vont être pointus sur le sujet. J'ai trois tous. C'est quoi le sujet 2? Des gens qui font plusieurs jobs à la fois. Ah bah du coup là j'ai un avis. Pourquoi? Bah quand toutes tes collègues font la sieste, t'es obligé de faire plusieurs jobs à la fois. T'avais qu'à pas venir en France. Bonjour la France Inter, bonjour à tous et bon réveil à ceux qui se réveillent de la sieste. Vous écoutez l'émission qui réécrit l'actualité et voici les trois informations que vous ne reconnaîtrez plus d'ici 18h. Alain Juppé s'est auto-baptisé prophète de bonheur. Nicolas Sarkozy revient en messie. Le charisme en politique tient donc bien du religieux, une foule prévenue en vaut deux. J'ai rencontré Skippy. Et depuis, j'ai découvert une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Plusieurs millions de Français exercent désormais deux activités, par nécessité ou par choix. Opticien le jour, chauffeur la nuit, fleuriste qui gère un Airbnb ou ministre de la Défense et président de région, hein, qui lui-même peut-être fait travailler un employé multitâche. Lui, oui. Lui, c'est mon secrétaire, mon chauffeur et mon portier. La sieste, mais voilà un bon sujet. Oui, on l'a testé pour vous cet après-midi, jusqu'à ce que Dédé Manoukian vienne nous réveiller. Fini les branlettes à vos chaussettes. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui fait régulièrement des siestes, oui. Ici, à la radio, voilà. Des micro-siestes donc, exactement. Alex Vizorek. Oui, j'avais pas compris le jeu de mots, il est pas mal, vous avez bien dormi. Et autour de la table, pour notre invité, j'ai pris la meilleure des équipes, 17h20. S'il avait été le héros de l'Odyssée, le livre aurait été bien plus court, puisqu'il aurait succombé au chant des sirènes. Bonjour André Manoukian. Ah mais oui, j'y ai jamais pensé, mais oui Alex, mais oui. De quoi on parle ? Charline, bonjour, ben je sais pas, je suis en train de succomber avec autour de la table ici. On va parler d'une sirène. Et quelle sirène ? Elle s'appelle Candace Springs. Elle est sublime. C'était l'égérie de Prince. Très bien. 17h30, s'il avait été le héros des Enfants du Silence, le film n'aurait pas duré longtemps puisqu'il aurait eu très difficile à se taire. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex. Bonjour Charline. Bonjour à tous. Ben moi, je me suis intéressé aujourd'hui au rétablissement du service militaire, mes petits bonhommes. Parce que l'armée, ça permet quoi ? Être bien habillé. Être entraîné, bon. C'est être bien habillé. Non, il raconte des conneries. Ouais. Dans le domaine militaire, les conneries, c'est un petit peu une tradition. Hein, et à 17h40, si elle avait été Juliette et moi, Roméo, Shakespeare n'aurait pas écrit un classique du théâtre, mais un sketch burlesque, puisqu'au premier acte, elle aurait refusé de m'adresser la parole. Bonjour Clara Dupont-Manou. Bonjour Alex. Oui, c'est bien ce qui me semblait. De quoi vous allez parler aux autres ? Non mais c'est un monument. C'est vrai de vous voir dire le bonjour Alex. C'est dommage que les auditeurs n'ont pas tout. Ah si, sur France Inter.fr. Vous écoutez ce que va dire mon égérie. Oui, pardon. Je parlerai d'un livre consacré à Hergé. Ah, il y a du belge, il y a du belge, il y a du belge. Et voici celle qui a accepté de présider cette émission, la plus grande comédienne de Belgique et française, donc. Ce qui fait de vous une artiste à contre-courant, hein, vu que d'habitude ce sont les Belges qui viennent jouer en France. Vous avez triomphé dans Oscar et la Dame en Rose. Mmh. On a pu vous voir aussi, tiens, au cinéma dans Odette Tout le Monde d'Éric Emmanuel Schmitt, aux côtés de Catherine Fro. Rapidement. Et vous avez, oui, mais quand même, vous avez une carrière riche et longue. Oh, longue et riche comme le dossier judiciaire de Balkany, au moins. Et je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes... Jacqueline Beer. Oh, bienvenue. Wow. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Jacqueline Beer, donc monument du théâtre. Toutes les générations belges vous ont vu sur scène. Ça vous rajeunit, hein. Je prends un coup de vieux. Là. Si, non, mais c'est un coup de légende, on va dire ça comme ça. Et en 2008, Jacqueline Beer annonce, voilà, je crois que j'ai fait le tour, je prends ma retraite. Après plus de 50 ans de carrière, 8 ans plus tard, vous venez en jeune première à Paris. Qu'est-ce qui se passe ? La robe, là. Voilà. Mais écoutez, il y a quelques imbéciles qui changent pas, voilà. N'est-ce pas ? Et bien voilà, ça s'est présenté comme ça. Puis je me suis dit qu'après tout, j'avais encore l'énergie et la santé pour le faire. Et me revoili. Mais de revenir à Paris, c'est quelque chose, vous n'en avez jamais eu rien à fiche de Paris, Paris, Bruxelles. Enfin, pour vous, c'était pareil. Mais et pas là... vraiment. C'est-à-dire que c'est un peu un retour aux sources, oui. Ou à la case départ. Puisque j'ai fait toutes mes études ici, au conservatoire, à Paris. Donc, c'était dans la classe avec Bébel et Crémer. Et oui, absolument. C'était la grande cuvée, paraît-il. Et un passage à la Comédie Française aussi. Oui, j'ai été stagiaire pendant 2 ans. Mais voilà, gentiment, comme tous les camarades. Et puis l'amour vous emmène en Belgique. Oui, c'est-à-dire, je l'ai rencontré à Paris. Et puis voilà, on a eu un enfant. On est allé à Bruxelles par hasard, un petit peu pour voir la famille. Et puis on nous a proposé du boulot et on y est resté. Pour y jouer, Albi, Ionesco, Strindberg, Racine, Dostoïevski, Tchekhov, Lorca, Guitry, Cocteau, Molière, Anouilh, Hugo, Genet, Marivaux. Et là, vous êtes à Paris. Pas de pièce de Laurent Ruquier. Ah. Oh, c'est dommage. Pas encore, mais j'aimerais venir. Vous venez pour Conversation avec ma mère, absolument. Que vous jouez avec Alain Lempoul, aussi, oui. Gros star en Belgique. Oui. Racontez-nous de la pièce. Ah, bah, écoutez, c'est un dialogue entre une mère et un fils. Je vois rien de plus beau et rien de plus profond. Sinon, un dialogue entre un père et une fille. Mais je pense que quand même, la mère, c'est plus viscéral, plus fondamental. Avec une particularité, c'est une pièce de Santiago Carlos Oves. Et donc, c'est une pièce tirée d'un auteur... d'un film. Ah, c'est d'un... Oui, et c'est un auteur argentin. Donc, c'est sur fond de crise argentine. Absolument. Ça a été tourné au moment de la crise en Argentine. Et le dialoguiste du film a demandé à pouvoir faire une pièce et, en espagnol. Et ça a été joué en Espagne pendant la crise en Espagne. Et maintenant, nous voilà pendant la en pleine crise, malheureusement. C'est le sous-fond de la pièce, mais en réalité, c'est surtout les sentiments entre la mère et l'enfant, parce que ça reste toujours un enfant. L'enfant qui a 50 ans et qui vient annoncer à sa maman qu'il est au chômage, comme beaucoup de gens. Un chômeur en col blanc, parce qu'il a les moyens, on comprend. Bien entendu. Et puis, il dit à sa maman qu'il aimerait bien que... Qu'elle dégage de l'appartement. Et de là, ça part. Mais c'est-à-dire que, voilà, ici, c'est un duel à fleur et moucheté, disons, où ils s'observent tous les deux et chacun a des reproches à faire à l'autre et finalement, voilà, ça se déroule tout simplement, comme dans la vie. Il a été beaucoup dit dans la presse belge que c'était un rôle qui vous correspondait, qui vous collait. J'y ressemble un peu, j'ai l'âge du rôle. Parce qu'elle est drôle, elle envoie des pics. Bien sûr. Elle est tendre. Elle est humaine, simplement. Et donc, on travaille comment un rôle qui nous ressemble ? Je ne sais pas, c'était très difficile. On ne travaille pas, justement, c'est le contraire. J'ai eu beaucoup d'appréhension au départ et j'ai hésité à le faire. Et puis finalement, on s'est aperçu que c'était une réussite puisqu'on a réussi à convaincre le public belge. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était un cadeau malgré tous les nombreux rôles que j'ai joués dans ma vie. Et ce cadeau, on a eu envie de le partager avec la France, pourquoi pas. Eh bien, venez de découvrir donc Jacqueline Beer, si vous ne la connaissez pas, à Paris, dans Conversation avec ma mère, une pièce de Santiago Carlos Oves, auteur argentin, sur une mise en scène de Pietro Pizzuti, Théâtre à la Pépinière Théâtre, à partir du 21 septembre à 19h. Et est-ce que, après, vous pensez que vous allez aller à la rencontre des Français en région ? Ah, ça ne dépend pas de nous. Il y a des gens qui sont prêts à faire ce genre de choses, des organisateurs de spectacles. Hein. Alors, on vous encourage peut-être à venir à Paris d'abord. Elle n'est pas prête à raccrocher. Je vais ajouter qu'on joue le dimanche en matinée. Ah, bien sûr, évidemment. C'est important, à la Pépinière Théâtre, donc. Avec Jacqueline Beer qui nous accompagne jusqu'à 18h. On va parler charisme en politique et sieste. Et peut-être que l'un nourrit l'autre. Vous êtes sur France Inter. Did the child crying all by himself? His parents left him by the time he was 12. He feels all alone. He don't want to leave. We Get Along, Sharon Jones and the Dap Kings sur France Inter, où nous sommes en compagnie de Jacqueline Beer, qui est la plus grande comédienne de Belgique et qui est française. Si c'est là, la France rayonne. 1m63. Jacqueline Beer, que l'on peut voir à la Pépinière Théâtre à partir du 21 septembre à 19h, et puis le dimanche en matinée. Et autour de cette table, Alex ? Eh bien, nous avons André Manoukian, qui a bien préparé sa chronique. Nous avons Clara Dupont-Monod, qui a parlé d'Hergé. Et Guillaume Meurice, qui était voir les militaires, c'est toujours un poème. Voilà, bienvenue à l'école, l'école du journalisme, près de la fenêtre du radiateur. Une question de vie ou de mort. Le journal de presque 17h17. Pas d'angélisme. Et on commence par les titres. Dans une interview au Monde, François Hollande dit « Je pense que le prochain président sera élu par défaut ». Un petit peu comme celui-ci. Hein. C'est ça. Devant un groupe de chefs d'entreprise, j'avais peur qu'on n'ait pas entendu. Devant un groupe de chefs d'entreprise, Nicolas Sarkozy aurait déclaré « Il fallait être arrogant pour penser que l'homme a changé le climat ». Oui, et il faut être encore plus arrogant pour penser que le français a changé depuis 2012. Le climat sera d'ailleurs notre invité pour répondre à cette affirmation. Oui, et puis il y aura de la brève de première fraîcheur. Politique d'abord. En Corse, Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée de Corse, a déclaré « Nous ne voulons pas de salafistes en Corse ». Et c'est bien normal, il n'y a aucune raison que des étrangers viennent piquer le boulot de terroristes des Corses. International, toujours, en moins d'une semaine. Ça, c'est du courrier. Ça, je n'ai pas ri à cette blague. Hein. Les Corses travaillent maintenant. Ouh là là, Jacqueline, oh là, là, voilà, oh là, la tournée Ajaccio vient de s'annuler, on me dit. C'est Annie Cordy qui a dit cette blague. On continue. En moins d'une semaine, un troisième mineur de 15 ans est soupçonné de vouloir passer à l'acte. Eh bien, il a été arrêté en région parisienne. Moi aussi, à 15 ans, je voulais passer à l'acte, mais pas le GIA. Pas le GIA, non, c'est bien ce qui me semblait. Guerre en Libye, un rapport britannique accable Nicolas Sarkozy. Oui, et quand on voit comment Kadhafi a fini après avoir soutenu la campagne de 2007 de Sarkozy, on peut dire qu'en fait, Doc Gineco s'en tire pas mal. Ouais. Fait divers, oui. Deux fusillades ont fait un mort et un blessé grave à Corbeil-Essonne. À Corbeil-Essonne. Si les gars ont tiré avec des armes de chez Serge Dassault, normalement c'est un non-lieu. Ouais. Donc c'est vrai. Toujours dans le Finistère, oui. Un homme qui menait des travaux dans son jardin a découvert des ossements humains. Selon les enquêteurs, ils appartiendraient à une dame âgée disparue en 2013. Oui, alors ça c'est important de rappeler pour ceux qui n'y connaissent rien en jardinage, planter un légume, ça ne veut pas dire enterrer sa grand-mère. Ça c'est important de le savoir. C'est de l'ordre de l'innovation peut-être. Alors on y reste. La compagnie de VTC Uber a mis en circulation mercredi à Pittsburgh aux États-Unis des voitures autonomes, c'est-à-dire sans chauffeur. Et ça c'est une très très mauvaise nouvelle pour les chauffeurs de taxi. Hein. Bien sûr. Bah, à qui ils vont péter la gueule à la prochaine manif, on ne sait pas. Jeux vidéo. Oui. La démo du nouveau FIFA 2017, le célèbre jeu de football, vient de sortir. Oui, et ben j'ai testé, je suis très déçu. C'est pas du tout réaliste. Ah bon, pourquoi? J'ai pris l'équipe de Monaco et dans le stade, il y avait plein de supporters. Ah, c'est pas normal. C'est mal foutu. Santé à présent, contraception. Oui. Une étude démontre que le stérilet est plus efficace que la pilule. Oui, par contre, il est plus difficile à avaler. Et ça, c'est important de le... Passons à l'interview. C'est visuel. Et voilà. Et aujourd'hui, nous avons une exclusivité, comme tous les jours, une star. Nous avons avec nous aujourd'hui le climat. Oui, Charline, le climat est avec nous car Nicolas Sarkozy a déclaré qu'il fallait être arrogant pour penser que l'homme a changé le climat. Ouais, bah en tout cas, faut être naïf pour penser que cet homme a changé. Hein. Oui, bah bon, c'est le bonjour le climat. Oui, oui, bonjour. Il m'a donné chaud le petit là. Oui, j'imagine. Oui. Hein, déjà que je me réchauffe depuis un siècle, ça va pas s'arranger avec ça. Vous n'aimez pas les climato-sceptiques, quoi. Non, bah vous aimeriez, vous, les gens qui vous accusent alors que c'est pas de votre faute? Bah non, non. Même Sarkozy, il aime pas se faire accuser, c'est comme ça. Vous comptez vous venger? Oui, alors s'il est élu, la pluie c'est Hollande. Hein, dites-vous que c'était une blague. Chaque fois qu'il va causer, le petit, je vais lui envoyer des graines dans la tronche. Calmez-vous. Ouais, non, mais vous avez raison, je vais faire un tour en Bretagne pour m'enfroidir. À bientôt. Et on termine par les brèves. Allez, la première, c'est pour vous. Espagne, 2 points. Oui. Il retrouve son alliance perdue en mer il y a 37 ans grâce à une plongeuse sous-marine. Voilà, raté. La prochaine fois, je conseille de jeter directement sa femme dans la mer, évidemment. Et la dernière. Attendez, est-ce que, non, la dernière, faire, c'est, non, c'est mais j'y arriverai pas, c'est pour vous. C'est pas pour vous, Vietnam. Il utilise un sac plastique au lieu d'un préservatif. Leur première fois tourne au drame. C'est ce qu'on appelle être pris à la top dans le sac. Pardon, entrepris ? La top dans le sac. Ah d'accord, je voulais être sûr que ceci est de l'information. Mais oui, mais non, c'est important pour les jeunes qui nous écoutent qui auraient pris un sac plastique. Mais n'abusez pas. De on sauve des gens. Allez, on est sur France Inter. On est en compagnie de Jacqueline Beer, la comédienne, qui est aussi citoyenne. Alors on va voir qui est la citoyenne qui se cache derrière vous, Jacqueline Beer, avec ce premier sujet. Le régime présidentiel en France pose la question du charisme. Mais le charisme a une origine religieuse, nous expliquent plusieurs philosophes dans Libération ce matin. Le charisme d'Ong Dong, Ding dong. Ouais. Le charisme donne donc une dimension religieuse à la politique, d'où peut-être une tendance à croire les promesses. Très chers frères et très chères brebis, voilà qu'en ouvrant les yeux ce matin, j'ai entendu un étrange bruit d'ailes. Et ce bruit qui emplissait le ciel était le bruit de centaines d'âmes égarées. Ces pauvres âmes égarées, orphelines, sans espoir dans leur épaisse nuit. Elles cherchent la lumière, mais la trouveront-elles? Voyez-vous la lumière? Quelle lumière? Avez-vous vu la lumière? Oui! Oui! La lumière! Je l'ai vue! Un extrait du film Les Blues Brothers. Le régime présidentiel en France, il est tel qu'on aspire à s'enthousiasmer pour un homme ou une femme. On rêve d'une élection dans la liesse, que le président soit triomphant, qu'on fasse la fête, qu'on soit content, qu'on soit porté. Vu de Belgique, Jacqueline Beer, est-ce que c'est un peu curieux ça? Parce que ça se passe normalement différemment. Oui, très différemment. Il faut dire que je trouve qu'en France, la politique est quand même facile à comprendre. Elle est binaire un petit peu. Hein. Il y a une droite et une gauche et puis des satellites, des petites choses comme ça. Tandis qu'en Belgique, il y a un roi et une reine. Plus... ça ne gouverne pas. Hein. Enfin, quand même. Alors, il y a plusieurs gouvernements, plusieurs pouvoirs, des milliers de ministres. Et on n'en sort plus. Tandis que là, en France, ça me paraît plus facile. Il y a une facilité de compréhension qui devient compliquée, parce que c'est plutôt un jeu à trois aussi, parce que comme il y a l'extrême droite en plus, maintenant ça devient un petit peu un traité. Vous allez faire une monarchiste en face de vous, Jacqueline Beer, la personne de Clara Dupont-Mono. Diplomatie, alors. C'est vrai que, est-ce que ça se passe en Belgique, on se réveille un matin en écoutant la radio et on se dit, ah, donc c'est lui qui est Premier ministre maintenant, hein, c'est ça, hein, tu le connais toi, non? Ça se passe comme ça. Et en France, il y a toute cette espèce de personnification. Est-ce que finalement, ça rend pas plus monarchique le président? Tout ce décorum en Belgique, il est plutôt autour du palais. Oui, mais je me demande si ça coûte pas aussi cher que ce qui se passe en Belgique, de toute façon. Ce que vous voulez dire, il faut expliquer aux Français, c'est que nous avons des régions, des gouvernements de régions, des ministres de provinces. C'est pléthorique, tout ça. C'est une lasagne institutionnelle. Mais peut-être qu'in fine, le système de cour avec des courtisans et le culte de la personnalité, et donc le système un peu royal est plus présent en France, oui, avec le système républicain, certainement, qu'un système monarchiste établi. Oui, à l'arrivée, certainement. Oui. Et quel œil vous avez, vous, la française, en la regardant d'un peu plus loin, cette politique française, et justement ce côté messien? Moi, ça me passionne. Il y a toutes les émissions politiques françaises, je les suis avec beaucoup d'intérêt. Pour travailler les comédiens. Est-ce qu'ils sont charismatiques, justement? En tout cas, pour nous, ça nous donne des codes aussi, parce que finalement, vous, les médias, c'est vous qui faites les personnalités politiques. Hein, entre nous soit dit. Ah, vous pensez que le charisme peut être... Oui. C'est quelque chose que vous mettez en exergue, vous voulez monter en épingle. Oui, là on est sur Jean-Vincent Placé. On a du mal à passer. On parlait du charisme justement, la domination masculine dans l'histoire de la politique, elle a fait croire qu'en politique un homme était plus charismatique qu'une femme. Est-ce que le charisme aussi, je ne sais pas, dans le théâtre, est-ce que là il y a plus d'égalité? Cette notion de charisme, elle est théâtrale aussi. Je ne sais pas, moi je pense que sur un plateau, c'est le monde intérieur des personnes qui sont là, et c'est ça qui passe, et c'est leur vécu, et c'est leur existence qui parvient au public. Alors si c'est le monde intérieur qui parle en politique, on va avoir des problèmes. Oui. Est-ce qu'il y a une différence de charisme entre les hommes politiques français et belges? Vous disiez, je regarde beaucoup les émissions politiques, est-ce que c'est aussi une question de charisme? Tout à fait, non, je pense que les Français ont une dialectique tellement extraordinaire, c'est assez fascinant. Hein. Il y a en Belgique une lourdeur dans l'expression, d'abord parce qu'il y a des gens de langue différente, néerlandaise. Mais en France, moi je suis vraiment stupéfaite de les écouter. C'est donc stupéfiant. On est d'accord. Oui, c'est bien de dire aux Français qu'ils ont une classe politique qui s'exprime relativement bien. Alors moins qu'avant, je pense, Jacqueline, ouais, dire si vous cautionnez. Mitterrand, j'en ai connu il y a très très longtemps, oui, quand même. Des gens exceptionnels, c'est évident. Mais non, il reste de toute façon hors du commun. Vous nous disiez en off que Napoléon parlait vraiment très très bien. Je l'ai bien connu. André Manoukian, un peu de musique aussi. Il y a des choses intérieures qui se dégagent avec du charisme aussi en musique. Exactement. Regardez-la, celle-là, si elle n'a pas du charisme. Alors, Candace. Alors on est à la radio. Décrivez-la parce qu'on est à la radio. Elle s'appelle Candace Springs. Elle a une coupe, je dirais afro mais légère, on a l'impression de grandes boucles d'oreilles. Super. Elle a des taches de rousseur, elle est sublime. Les anglo-saxons ont un mot pour exprimer le charisme que je trouve encore plus beau que le charisme. Ils disent le shining. Une personne a du shining où elle n'en a pas. Shining au sens spirituel du terme, c'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure du comédien et de sa vie intérieure qui doit rejaillir sur scène. Le shining, c'est encore plus mystique puisque ça serait, on parlerait d'aura. Vous savez, l'aura, c'est cette âme, ce magnétisme qui nous habite et que l'on soit croyant ou pas, tout d'un coup, on a des gens qui vous attrapent et d'autres pas d'un seul regard. Je regarde Clara. Et là, je suis dans le charisme. Alors, au-delà du shining, Candace Springs, elle a 27 ans, elle est jeune, elle est métisse, elle est sublime, elle a une voix formidable. Elle fait un premier disque normal, c'est-à-dire qu'elle va du côté du R&B, c'est ça qui fonctionne aux États-Unis. Elle va prendre les meilleurs producteurs, ceux de Nicki Minaj et tout. Elle est adoubée par Prince, elle va faire plusieurs de ses premières parties. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle est, au fond, une chanteuse R&B comme beaucoup d'autres, parce que c'est terriblement difficile de tirer son épingle du jeu quand on va sur cette autoroute, surtout aux États-Unis. Alors, à l'encontre de ses producteurs, elle fait une petite introspection et elle se dit « j'ai envie de faire la musique que j'ai envie de faire ». Et là, cette musique-là, eh ben, au fond, je vais me mettre au piano et moi, mon truc, c'est le jazz. Et tout d'un coup, elle va jouer la musique de sa grand-mère. Ça devient terrible parce que pour certains jeunes, cette musique-là, c'est la musique de leurs parents. Moi, perso, quand je mets du jazz dans la voiture, mes enfants me disent « arrête, on a envie de vomir ». Alors, je sais pas si ça à cause du courage, à cause des solos de Charlie Parker, mais voilà. Eh ben, elle s'accroche et elle le fait. Et elle le fait tellement bien. Mais alors, la musique, on dit que la musique est un fleuve, ok ? Au fond, il y a peu de musiciens qui ont vraiment du génie. Il y a beaucoup de musiciens qui sont à la bonne place, au bon endroit. Les Beatles, ils sont au bon endroit. Doublement, parce qu'ils habitent à Liverpool, et qu'à Liverpool, c'est la seule ville d'Angleterre où on continue de faire des concours de ménestrel depuis le Moyen-Âge. Et on retrouve ça dans la musique des Beatles, ces mélodies qui sont un petit peu folles, qui sont des mélodies de ménestrel. Ils ont gardé la coupe des ménestrels. Exactement, avec le rock. Mais voilà, Liverpool, c'est vraiment, depuis le Moyen-Âge, Candace, elle, tout d'un coup, elle veut faire du jazz. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vraiment sa musique, c'est la musique qu'elle a envie de faire. Si elle est dans le fleuve, elle écoute les dernières qui sont arrivées. Et les dernières, c'est Norah Jones. Et Norah Jones, qu'est-ce qu'elle fait quand elle arrive? Tout d'un coup, elle met un coup de vieux terrible aux anciennes, parce qu'elle adopte une nouvelle manière de chanter sans vibrato. Alors que les anciennes chanteuses de jazz chantent avec du vibrato. Alors, qu'est-ce que c'est le vibrato? Je me retourne vers vous, qui êtes une actrice de théâtre. Et le vibrato, vous savez, quand on dit de quelqu'un, il a des trémolos dans la voix. C'est une manière d'être lyrique. C'est une manière d'appuyer sur les émotions. Quand vous jouez d'une corde et que vous ne mettez pas de vibrato, elle fait ptong. Mais tout d'un coup, si vous mettez du vibrato, vous lui mettez de la vie. Sauf que ce lyrisme qu'avaient les anciennes, qu'avait Sarah Vaughan, tout d'un coup, quand Norah Jones arrive et qu'elle me pose sa voix à plat, et ben, tout d'un coup, il y a une modernité terrible. On a l'impression qu'elle nous chante dans les oreilles. Et qu'est-ce qu'elle fait, Candace? Eh ben, elle suit pas Norah Jones, elle revient aux anciennes, elle chante comme Sarah Vaughan, elle met du vibrato dans la voix et tout d'un coup, ça apparaît extrêmement moderne. Donc c'est Norah Jones qui est ringardisée en quelque sorte par Alors des est-ce cochers, qu'elle est en fait je sais pas, mais en tout cas, tout ce que fait Candace, c'est qu'elle dit moi, j'assume les musiques de ma grand-mère et c'est là que je veux redessiner mon film. avant que vous ne chantiez, Alex, on va mettre Candace Springs tout de suite. I'm tall. Can be both hot and cold. How's one to know? To go, as your mirror in is one to know when the whole world is full of such lies. So darling, watch those eyes. And even more, those lies. And then you will see them smile. Nous ne sommes pas en grève. Non, non, cette émission est diffusée, il est 17h35. Non, c'est magnifique, c'est une très belle découverte, André Manoukian. Merci, Candy Springs. Voilà, Soul Eyes, son album sort le 30 septembre chez Blue Note, la Rolls-Royce du label du jazz, le label de Miles, le label de Coltrane. Et surtout, elle sera en concert le 16 novembre au Club de l'Étoile à Paris. Et c'est pareil, si vous venez beaucoup, et ben, elle ira peut-être en province. Eh oui, Jacqueline Beer, ça vous a plu, hein ? Magnifique, c'est très beau. Jacqueline Beer est avec nous. On a fait conversation avec ma mère à la Pépinière Théâtre à partir du 21 septembre à 19h et en matinée le dimanche. Une pièce sur fond de crise argentine et de relations entre la mère et le fils. Oui, mais je voudrais aussi dire que j'ai un partenaire qui s'appelle Alain Lempoul, bien sûr. Oui, et puis un metteur en scène. Qui s'appelle Pietro Pizzuti, qui a fait ça avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'inventivité, beaucoup de fantaisie. Et voilà. Enfin, et donc vous vendez bien les collègues. Nous aussi, on vend bien les collègues à 17h36 sur France Inter. Oh, on n'a pas besoin de le vendre. Oui, l'autocar puis... de service en fait pas une de bonne et il va insulter tout le monde. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour, bonjour à vous. Ça baisse. Hein. Debout là-dedans. Ça, c'est de la musique, Manoukian. Vous avez entendu, c'est carré. Hein, c'est pas une trompette des anges, œuvre de l'esprit d'un chaman priapiste sous opium. Non, soldat Manoukian, c'est de la bonne grosse musique de bidasse. Et c'est ça qu'on veut. Parce que oui, bande de petites lopettes, il est urgent de rétablir l'autorité militaire dans ce pays. En commencement par le service militaire. Éric Ciotti l'a dit. Ok, il l'a fait. Non, mais bon, après tout, Alain Juppé, hier, il n'était pas au salon de la coiffure, peut-être ? Si ! Bon, ben voilà, le pape, hein, il se gêne pour donner des conseils pour mettre papa dans maman ? Non, bon, alors ok, voilà. Garnison, si tu écoutes, je suis allé pour vous ce matin rencontrer des Français favorables à cette urgence nationale pour vous expliquer pourquoi c'est important, l'armée. C'est surtout pour cette jeunesse qui fout le camp, quoi, la remettre un petit peu dans le droit chemin. Leur donner des valeurs que l'armée nous donne un petit peu. Hein. C'est quoi les valeurs de l'armée ? Ben, un petit peu de... à l'armée, t'arrives, tu bois pas et tu, quand t'as fini l'armée, tu bois quoi. Voilà. Jeunesse ! Jeunesse de France, ressaisis-toi ! Picole ! Ah, mais picole patriotique ! Le schnapps, nique ta race ! Notre gloire, c'est le pinard ! Tu compris ? Oui. J'entends rien, c'est compris. Bon, ok, le service militaire, pour ou contre ? Je suis pour, à cause de la cohésion nationale que ça donne. Vous pensez que la corvée de chiottes aide à la cohésion nationale ? Oui. C'est vrai ? Oui, oui, oui, tout à fait. C'est bien, c'est ça, être un bonhomme, corvée de chiottes à 20 ans. Mais attention, soldat, à 40 ans, tu laisses ta femme faire, d'accord ? On respecte les traditions françaises, compris ? Oui. J'entends oui, rien, oui. Compris ? Oui, oui. Oh, ça permet quoi d'autre, l'armée ? Et d'acquérir de la discipline, de se lever tôt le matin pour peut-être pas toujours faire grand-chose, mais enfin... Vous savez que c'est important de se lever le matin pour pas faire grand-chose ? Ben, non, c'était comme ça faisait partie de la discipline. Hein. C'est ça, la discipline, les mecs, se lever pour rien foutre. 3 millions de chômeurs, ça s'éduque, ça sert aussi à ça l'armée, on continue. Moi, je ne sais pas pourquoi je suis pas allé en Algérie, parce que je m'appelle Quatremain, Q-A-T-R-E-M-I-N. Et le Q, c'est presque Q-P. C'est à la fin, donc, ils ont pris tous les premiers, A, B, C, D, et moi, j'y suis pas allé. Vous avez eu un coup de cul, alors ? Oui, oui, oui, un coup de cul, voilà. Voilà, l'humour ! Humour militaire ! C'est ça aussi, l'armée, la camaraderie ! Hein, c'est les bons souvenirs, l'armée ! Écoutez, meilleur souvenir de cet ancien combattant ? Je me souviens de coups de pied. Ça, c'est votre meilleur souvenir ? Cradavo, oui, Cradavo. Il m'a dit cradavo, j'ai dit bonjour. Ah, et vous êtes pris un coup de pied ? Ouais. Et ça, c'est votre meilleur souvenir du service militaire? Ah oui, c'est ça. Bah, oui, de se prendre des coups de pied au cul, c'est ça, les bons souvenirs de l'armée, bordel. Se faire péter la gueule à coups de clé à molette, parce qu'on est là pour se détendre aussi, les mecs, à un moment donné. On est là pour apprendre à vivre en communauté, n'est-ce pas? Je pense que la vie en communauté neutre, voilà, permet peut-être d'avoir une notion de, comment, de civilité ou de vie sociale. Vous pensez que se faire passer la bite au cirage, ça facilite la, la vie sociale? Alors ça, c'est une question, je ne sais pas. Je me dis que... alors, oh, mais dans ce cas-là, le service militaire, pour moi, ça serait aussi garçon-fille, quoi. Ah oui. Ah oui, ah bah oui. Ah bah alors là, du coup, il serait question de se faire passer les seins au cirage, alors? Pourquoi pas, hein, mais c'est chacun ses fantasmes. Hein. Eh oui, c'est vrai, c'est mon fantasme, je vous l'avoue. Hein, c'est pas celui des islamo-bobo-bolchos de voir naître un service civique et civil obligatoire et en priorité aux politiques de ce pays. Non, un service qui permettrait de repérer les gens en difficulté et de les aider. Non plus, le social, c'est l'armée. Écoutez la parole d'un ancien officier, quelle est sa fierté? C'est d'avoir fait du social par l'autorité. Ah, expliquez-moi ça. Il y avait un gars, il voulait pas sauter un petit fossé qui était plein de merde. Alors, il m'a dit, je saute pas. J'ai dit, très bien. Ou tu sautes ou t'as pas de perme. Là, il dit, je peux aller à côté, etc. Non, non, non, c'est là qu'il faut sauter. Et pas descendre dedans, sauter. Le gars, il a sauté. Quand il est arrivé de l'autre côté, il faisait 15 cm de plus en hauteur. C'est-à-dire que c'était un gars qui avait acquis quelque chose en faisant ce saut. Mais c'était très bien. En sautant dans la merde. Voilà, une belle métaphore de la vie. Sauter à pieds joints dans la merde. Mais faites attention, soldats. Au fond du fossé, il y a sûrement Eric Ciotti. Adjudant Meurice, merci. La chronique la plus simpliste de toute l'histoire de la chronique mondiale. Comment vous êtes encore vous, Dupont Bono? Vous êtes surpris par sa mauvaise foi. Ça fait 2 ans et demi que vous travaillez avec lui. C'est un étonnement perpétuel. C'est dément. Je devrais faire une chronique sur vous, Dupont Bono. C'est ça. Ça doit être intéressant. Je allez, allez, les enfants, la récréation est terminée. Hein, voilà, on arrête de se chamailler. On écoute Jacqueline Beer qui est avec nous quand même. Hein, voilà, chronique simpliste, vous trouvez Jacqueline Beer? Ben un peu rat des pâquerettes quand même. Et je vous aime. Ok, ça va être corvée de chiottes pour tout le monde, c'est moi qui vous le dis. Vous aussi, chez vous, n'hésitez pas. Hashtag annule tout, hashtag chronique simpliste. Allez-y, donnez votre avis. Contre. On sera friands, on sera heureux de vous lire. Allez, le deuxième sujet avec vous, c'est fini le jeune Français qui venait au monde en rêvant de devenir fonctionnaire. Aujourd'hui, il veut être auto-entrepreneur. Et par nécessité ou par choix, faire deux métiers, eh bien, cette double vie professionnelle concerne entre 2 et 4 millions de Français. Entre 2 et 4, c'est vous dire si c'est flou. Hein. Ça faisait un moment que je cherchais du boulot. Un soir, j'ai craqué. J'ai envoyé 257 emails copier-coller à toutes les entreprises pas trop loin de chez moi. Je me suis dit, quitte à me faire chier, autant que ce soit tout prêt. Il y en a un seul qui m'a rappelé. Je sais plus pour quel boulot c'était, mais j'ai répondu très sincèrement. Ah, ça serait un véritable honneur d'intégrer votre équipe. J'ai raccroché. J'ai tapé le nom de la société sur internet. C'était soit une maladie vénérienne, soit une branche de l'ONU, soit des mecs qui louent des photocopieuses. Tiens que j'en dis dans bref. C'est une enquête parue dans Le Monde, datée d'hier, sur la vie de ces travailleurs pluriactifs qui font deux métiers. Il y en a de plus en plus, opticien et chauffeur de VTC la nuit. Il y a aussi, tiens, un qui a attiré mon attention pour vous, Jacqueline Beer, quelqu'un qui fait des livraisons à vélo de repas. Et il dit, cela me permet de rembourser l'emprunt contracté par mes études de violon. En attendant de trouver un poste stable. Et j'ai pensé que peut-être, j'ai lu dans votre biographie que votre père avait été cultivateur et violoniste la nuit. Oui, alors il était pour pionnier. Pour le plaisir. Ah, c'était pour le plaisir alors. Il gagnait sa vie en tant qu'agriculteur. Et le soir, il jouait du violon, mais pour, ça c'était. Pour nous, d'accord. Donc ça n'était pas un travailleur pluriactif. Mais quand on est comédien en début de carrière, ce côté pluriactif, c'est tellement une évidence. Et aujourd'hui, c'est le cas dans beaucoup d'autres professions. Ça, je n'ai pas d'avis là-dessus, parce qu'à mon âge, j'ai eu la chance de pouvoir ne faire que mon métier, ne faire que jouer la comédie. Mais ça n'existe plus, ça. Et c'est fini. Pourquoi est-ce que ça n'existe plus et que quand vous avez commencé, c'était le cas? Nous sommes trop nombreux sur cette planète, tous autant que nous sommes et dans tous les domaines. Vous avez été trop bons sur scène, tous, et ça a donné des envies et suscité des vocations. Non, franchement, on est trop nombreux. Donc, il faut bien... Où voulez-vous que le travail se trouve? Il faut se multiplier. Il ne faut pas aider ceux qui ne travaillent pas à ne pas travailler, d'une certaine manière. Mais il y a des gens qui peuvent faire des tas de choses pour le plaisir. Je vois mes deux partenaires. Mon partenaire, il est organisateur, directeur. Mon metteur en scène, il est auteur, traducteur, il fait de multiples choses, mais c'est pour le plaisir. Tandis qu'il y a des gens qui doivent véritablement gagner leur vie. Bah, le problème, c'est ça, c'est que c'est, la plupart, actuellement, c'est par nécessité. Mais bien entendu. C'est-à-dire que ça les épuise et qu'ils grappillent un peu plus d'argent comme ça. Mais il y a aussi des actrices qui ne laissent pas leur place, hein, qui ne prennent pas leur retraite. Et du coup, C'est pas ma faute. Non, mais je ne pensais pas à vous particulièrement. Mais... Dans tous ces comédiens, vous dites on est trop nombreux, donc il y en a, c'est devenu vraiment légion que d'avoir mais un travail même en plus. Pas, je ne parle même pas des comédiens, je parle de l'humanité. Mm-hmm. Et vous parliez du Messie tout à l'heure, je ne sais pas d'abord s'il a existé ce type-là, hein, il faut déjà se poser la question. Et si on veut essayer de faire quelque chose, je ne sais pas, on trouvera plus facilement la clé de l'univers que le gars qui va sauver l'humanité. Mais si on est trop nombreux et que certains arrivent à avoir deux emplois, ça veut dire qu'ils prennent l'emploi de quelqu'un alors, si j'ai bien compris. Donc, Clara Dupont-Mono. Ça dépend parce que ce sont des secteurs qui sont en train de recruter. Donc, par exemple, il cite un opticien qui arrête sa journée à 19h, 19h30 et puis qui fait rebelote après jusqu'à 1h du matin. Et lui témoigne, il dit c'est pour améliorer son niveau de vie. Voilà. C'est le travailler plus pour gagner plus qu'il y a infusé dans mais les têtes. Du coup, il prend pas la place de quelqu'un parce qu'il est chauffeur VTC en fait, le deuxième poste qu'il a, où là, pour le coup, il y a pléthore. Donc, de... il prend la place voilà, du coup, il prend la place de quelqu'un. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, oui, mais pas au sein du VTC qui est en train de se développer. Je pense que là, les jeunes aujourd'hui aussi sont envahis par tous les moyens techniques là, dont nous sommes submergés. Mm-hmm. Et tout le monde veut avoir tous ces objets et tous ces objets coûtent très cher. Et donc, c'est tout. Si on était un petit peu plus raisonnable et qu'on se passait de certaines choses... Ben, vous êtes pour la décroissance. La vie serait possible, peut-être. La décroissance raisonnable. C'est des mots, c'est des rêves qu'on n'entend qu'en France. C'est ça qui est beau, c'est ça qui fait la grandeur de notre pays. Moi, j'ai fait mes études aux États-Unis et quand vous preniez un saxophoniste, quand vous voyez un musicien de jazz dans un bar, vous lui disiez qu'il jouait super bien, oh là là, qu'est-ce que tu fais ? Il disait, je suis chauffeur de taxi. Mais non, de faire plusieurs métiers à la fois, c'était la... Et c'est toujours, vous allez à Los Angeles dans un bar, tous les serveurs sont des acteurs. Et Clara Dupont-Mono, elle travaille dans la presse écrite, elle fait une chronique à la radio et une émission le samedi soir à 19h20, la muse bouche. Mais en attendant, vous êtes chez nous avec une chronique littéraire. Voilà, et parce que l'actualité, Jacqueline, c'est... votre nationalité, puisque si j'ai bien compris, vous êtes semi-belge. C'est un peu ça. Je suis toujours française. Voilà, bah, vous avez, voilà, donc vous n'avez rien compris. Elle a épousé un monsieur belge. J'ai été une des premières françaises à se rendre compte que la Belgique était un pays de cocagne. En tout cas, ça vous fait un point commun avec les reines Paola et Fabiola, qui elles aussi n'étaient pas belges. Voilà, et elles ont épousé un belge. Alors apprenez, chère Jacqueline, que le Grand Palais s'apprête à honorer un membre de votre peuplade reculée, né à Etterbeek, mais qui parlait notre langue. J'ai nommé Hergé. Le Grand Palais prépare une grande exposition à partir du 28 septembre sur Hergé. Et d'ailleurs, si tu écoutes Jeanne Tout, sera présent le 29. Direct. Tout à fait. Le 29, nous y serons. Alors, évidemment, Hergé, tout le monde s'y tue. C'est-à-dire que je vous dis Hergé, Jacqueline, vous n'allez pas me répondre Donald Duck. J'ai connu. Vous avez connu Hergé ? Vous avez connu Hergé ? Mais voyez que c'est moi. Oh, mais non, c'est fantastique. C'est si formidable. Si la moindre connerie, vous le dites. Alors, vous allez me certifier ou infirmer ce qui va suivre. Mais en tout cas, donc, Tintin, Josette et Joko, j'arrive jamais à le dire, au mieux. Mais en tout cas, tout le monde connaît. Sauf que Hergé, on se rend compte qu'en réalité, c'est l'inconnu le plus célèbre du monde. Il y a un très beau titre de roman de Nathalie Sarraute, comme ça, qui s'appelle « Portrait d'un inconnu ». Et à chaque fois, ça m'évoque ça quand je vois passer une information sur Hergé. Je travaille au Parisien Magazine et demain, nous l'avons mis en couverture. Et bien, sur les titres, nous n'avons pas arrêté... Quelle coïncidence avec cette chronique ? C'est fou, ça. Mais voilà, nous n'avons pas arrêté de choisir le titre entre secret, mystérieux, voire l'étoile mystérieuse, qui était un titre qui avait un peu ma préférence et qui a échoué. Parce que Hergé, c'est dire l'influence que vous avez sur ce magazine. Absolument. Parce que Hergé, c'est ça. En fait, c'est une nébuleuse. Et c'est là où la littérature s'en mêle. Je ne vous apprends rien, chère Jacqueline. La littérature aime autant lever les mystères qu'en créer. Et justement, un livre sortira le 19 septembre qui lève le voile sur Hergé. Il s'appelle Hergé Intime. Il est signé de Benoît Mouchard et François Rivière. Vous les connaissez peut-être. Ce sont deux très très grands connaisseurs d'Hergé. C'est un classique, cette biographie. Et là, elle va sortir dans une version entièrement renouvelée et passionnante. Et alors attention, parce que c'est vraiment lumière sur une zone d'ombre. Saviez-vous, chère Jacqueline, qu'Hergé avait une mère très fragile et que cette fragilité l'avait hantée toute sa vie ? Écoutez, moi j'ai appris ça, c'est que quand Hergé est tout petit, Madame Elisabeth Rémy, donc sa mère, a, je cite, des élans mélancoliques et des débordements nerveux. Et d'ailleurs, quand le père d'Hergé, en 1912, quand il est absent, il lui envoie des cartes postales, il est absent souvent. Eh bien, en 1912, il y a une carte postale qu'il adresse à son petit garçon, où il lui demande « Est-ce qu'elle est sage, ta maman ?» Donc le mari, visiblement, est un peu inquiet et l'enfant ne comprend pas. Alors Hergé vit très mal le psychisme assez fragile de sa mère. Elle s'en occupe pas beaucoup. Et du coup, c'est un enfant qui est très turbulent. Par exemple, c'est un enfant qui donne à manger des cailloux à des pauvres oiseaux ou alors qui rase la crinière de son poney, furieux d'être allé chez le coiffeur. Bah, c'est ouais. ce qu'il fait, Guillaume Méris. Ah, oui, ça, c'est possible. Il n'est pas turbulent, il est con, voilà. En fait. C'est toujours la faute des mères. Sauf qu'Hergé, ça donnera un génie. Mais en tout cas, cette angoisse de la folie maternelle, elle imprègne, en fait, beaucoup d'albums de Tintin. Prenez L'île noire, qui a été publié en 1938. Dedans, il y a quoi ? Il y a le docteur Müller qui menace de faire interner Tintin à l'asile et il lui dit « Ceux qui y entrent ne sont pas toujours fous, mais après 8 jours d'un traitement spécial, ils le sont réellement. » Et ça coïncide avec le moment où la mère d'Hergé a été internée. Prenez par exemple les 7 boules de cristal qui mettent aussi en scène un psychiatre. Et il y a des malades atteints de convulsions et d'ailleurs le médecin, il dit un peu fébrilement, il dit « Ah, il est bientôt l'heure de la crise. » Hergé avait été très choqué de voir sa mère sangler sur son lit dans l'établissement où elle avait été internée. Je ne parle même pas des accès de démence de Capitaine Haddock, qui dans certaines planches sont presque oppressantes, et du côté perché du professeur Tournesol. Hergé, en quelque sorte, il aura été malade de sa mère. D'ailleurs, il était régulièrement couvert d'eczéma ou de furoncles, notamment sur les mains, au point qu'il ne pouvait plus tenir un crayon. Il sera très longtemps convaincu d'être médiocre, d'être nul, éternel enfant qui, en fait, n'aura pas su attirer l'attention de sa mère et implicitement donc la sauver. Vous qui êtes intéressé par le lien mère-enfant et qui jouez ça sur scène, alors voici une situation qui est assez tragique. De plus, cette espèce de lien avec sa mère, en fait, ces conversations avec sa mère qu'il n'aura jamais, vont contaminer la personnalité d'Hergé. Il sera persuadé d'être médiocre toute sa vie et ça va se ressentir dans son lien avec les filles. La première qu'il aime s'appelle Marie-Louise Van Custem. Mmh. On la surnomme comment ? On la surnomme Milou, comme par hasard. Eh ben oui, mais bien sûr. Marie-Louise, mais... Milou, donc Tintin, il se faisait son chien. En tout cas, quand on... Merci André. Merci pour cette intervention. À cette intervention. Non, mais les parents de Milou vont refuser qu'elle fréquente Hergé au motif qu'il est sans envergure, sans fortune et, je cite, sans avenir. Alors là, pour le coup, mauvaise pioche. Oui. Et parfois, les héros de BD sont quand même de très belles revanches. Je vous redonne les références. La nouvelle édition de Hergé Intime, de Benoît Mouchard et François Rivière, est parue chez Robert Laffont. Merci Clara Dupont-Mono. C'était vraiment l'homme le plus discret que j'ai jamais rencontré. Ah oui, c'est à la limite, de la timidité, oui, c'est tout ça. À fait. Et vous sentiez mal à l'aise quand vous étiez avec lui un peu presque. Oui, je ne suis pas restée. Qu'est-ce que vous avez fait avec lui? J'ai bu des bières avec. Je l'ai croisé parce que je connaissais bien sa dernière épouse. D'accord. Enfin, d'ailleurs, la seule femme, c'est la Castafiore. Dans le Tintin, oui. Dans Tintin. Jacqueline Beer est avec nous et on a un super troisième... À propos de Castafiore. Vous chantez, Jacqueline Beer ? J'ai chanté, ça m'est arrivé souvent. Ouais, quoi, par exemple ? J'ai des comédies musicales. J'avais étudié l'opéra, l'opéra. On peut avoir un petit bout ou pas ? Oh non, pour maintenant. Alors, parce que André Manoukian peut vous aider. J'ai ma guitare, là. Avec le vibrato. Si vous faites du vibrato... Bon, la sieste est excellente pour la santé. Bon, jusqu'à là, rien de neuf. Mais des chercheurs ont observé une corrélation entre les gens qui font plus d'une heure de sieste et le déclenchement du diabète. Bon, de toute façon, les siestes de plus d'une heure, c'est déconseillé à cause des cauchemars. En ce moment, je fais toujours le même rêve. Je nage dans la Seine, tout d'un coup, j'avale un rat. Alors j'étouffe et puis je cours. Et en bas, il y a des huîtres, elles m'attrapent les chevilles. Alors je vomis le rat sur les huîtres, le rat, il attaque les huîtres, je remonte à la surface, je prends une péniche dans la tête et là, je me réveille. Albert Dupontel dans Bernie. Alors tout ça pour c'est pas tellement la corrélation entre la sieste et le diabète qui nous intéresse, mais faire. Voilà. On s'était dit que c'était un beau sujet. Mettre avec en valeur Alex. La sieste. Voilà, un sujet qui vous concerne mais directement, Alex Vizorek. Donc on avait envie d'en parler. Vous êtes pratiquante, Jacqueline Beer? Oui, de temps à autre, après un bon repas. J'aime bien m'absenter 10 minutes. Et en perspective de jouer le soir sur scène, est-ce que ça vous arrive ou pas? Non. Alors non. Ça, vraiment pas. Ah, ça c'est une discipline. Je suis plutôt tendue. Non, là, comment ça... vous vous préparez à... Vous avez tout joué, vous avez, je ne sais pas combien de fois vous êtes montée sur scène. Comment on se prépare encore aujourd'hui, pratiquement? Je ne sais pas, j'ai besoin de me concentrer, de rester au calme et d'un petit peu me libérer de tout ce qui s'est passé dans la journée. C'est mon timing à moi. Et les micro-siestes, comme font souvent les hommes politiques, ça vous avez déjà essayé ou pas? Oui, micro-sieste, mais micro-sieste, on n'a pas le temps. Non, pas micro, alors. Améliorer, wow. Les siestes améliorées. Mais alors, il faut plus de temps tout de même. Qui est pratiquant de la sieste autour de cette table? Clara Dupont-Moineau. J'adore ça. Ça se ressent dans les chroniques un petit peu. C'est paresseux. Hein, Non, mais parfois, c'est mieux de la faire et de ne pas lutter. Parce que plus vous luttez, vous perdez une heure de concentration, tandis que si vous faites votre sieste, paf, 5 minutes après, vous êtes de nouveau... Vous essayez de me justifier votre sieste au bureau. J'essaie de donner des conseils aux gens qui nous écoutent. Alors, vous êtes un patron sympathique, vous ne me réveillez pas à coup de... Clara Dupont-Moineau. Le bon timing est entre 20 et 40 minutes. C'est très agréable. C'est déjà là. C'est très agréable. C'est pour moi. Non, non, mais l'essentiel, c'est de pouvoir s'absenter, en tout cas. Donc c'est plus une sorte de méditation, en fait. Oui, c'est ça. De perdre le sens. On n'a pas entendu entrer Manoukian. Perdre le sens, c'est génial. C'est beau. Moi, je suis sans arrêt absent. Donc c'est pour ça que tu... Il est tout le temps en sieste. Mais si, il le fait. C'est d'ailleurs tous les soirs sur Canal+. En tout cas, il y en a qui le font. C'est la grande sieste. Il y a ceux qui le font. Pas la sieste aujourd'hui. Ce sont ceux qui sont dans la rue pour la loi travail. On leur passe un salut. Est-ce qu'ils ont le courage d'encore manifester? Jean-Pierre, Patrick et Thierry, je crois, aujourd'hui, étaient à la manifestation. Jacqueline Beer, on a une proposition à vous faire. Malhonnête, j'espère. Mais évidemment. Oh oui. Je vais vous donner un rôle, comme tous les jours, on donne à l'invité. Je vous voyais bien en Bernadette Chirac, vous voyez? Ah mon Dieu. Et voilà. C'est un complément pour lui. C'est un rôle, c'est un rôle. Et comme tous les politiciens de droite comme de gauche, mais surtout à droite, essayent d'avoir le soutien de Jacques Chirac, ils viennent sonner. C'est évidemment Bernadette qui ouvre. Nicolas Sarkozy, c'est Guillaume Meurice. Jacques Chirac, c'est André Manoukian. Je vais faire Alain Juppé. Et puis, Charline arrivera. Voilà, j'y suis. Qui c'est? Bonjour, Madame Chirac, c'est Nicolas Sarkozy. Votre mari est là? Ah, Nicolas, ça me fait plaisir. Entrez donc. Non, merci, Madame Chirac. Mais non, mon cher Nicolas, appelez-moi Bernadette, je vous en prie. Qu'est-ce qui vous amène? C'est qui? C'est Nicolas! Je veux pas voir le petit. Nicolas, mon bon Nicolas, pas d'inquiétude. Oh Bernadette, je vous aime tant. Oh Nicolas, vous êtes si gentil avec les personnes âgées. J'en discutais avec Liliane, elle vous adore. Oui, elle peut, oui. J'ai obligé Eric Werth à accepter toutes ses avances. D'ailleurs, vous voulez des pièces jaunes? Ah non, disons que je préfère les billets violets. C'est qui? C'est Nicolas! Je veux pas voir le petit. Dors, Jacques. Qui c'est? Bonjour Bernadette. Alors, déjà, c'est pas Bernadette pour vous, monsieur Juppé, c'est madame Chirac. Ah tiens, toujours aussi froide. C'est pas mimétisme. C'est qui? C'est Alain. Dis-lui de rester dîner. Alain, il va falloir rentrer chez vous, Jacques est fatigué. Mais j'ai l'impression que Jacques préfère Alain. Mais oui, mais comprenez-le, Alain a payé pour lui à l'époque. Oui, mais moi j'ai déjà pas envie de payer pour moi, c'est compliqué. Moi j'ai donné déjà mes demandes à Copé. J'ai essayé, tu penses? C'est qui? Bonjour Bernadette, Nathalie Kosciusko-Morizet, et je vais avoir Jacques. Ah, enfin une gonzette, je vous soutiens. Jacqueline Beer, Bernadette Chirac. Parfait. C'est chouette. Jacqueline Beer, vous dites que vous j'aurais avez... J'aurais décidément toujours. Mais oui. Mais vrai. C'est vrai. Vous avez joué du visorec maintenant. C'est dingue. Désolé. Vous dites que vous avez joué des vieilles dames à 40 ans, et aujourd'hui vous dites, aujourd'hui, il me suffit d'être et de transmettre tout simplement. Est-ce que c'est véritablement le cas dans Conversation avec ma mère? Je pense que c'est surtout partagé, parce que c'est une très, très jolie pièce. Et je pense que c'est important. J'ai vraiment envie d'être avec les spectateurs et de les avoir comme partenaires. Oh, vous avez entendu, vous, chez vous? Les Parisiens. Ça donne envie. Bah oui. Et ce week-end. Jacqueline Beer, que vous pouvez voir sur les planches avec son partenaire Alain Lempoul dans Conversation avec ma mère. Une pièce de l'auteur argentin Santiago Carlos Oves avec une mise en scène de Pietro Pizzuti. C'est à la Pépinière Théâtre, donc à partir du 21 septembre à 19h et le dimanche en matinée. Merci Jacqueline Beer. Mais c'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir. Eh bien, on va se retrouver demain en compagnie d'Elisabeth Quint et le mot